Radio Campus Lille, il est 20h. Ce kawaii est revenu. Il est revenu. Il est revenu. C'est Pyongyang City Rockers numéro 294. Ce soir, Canasta City Rockers, exceptionnellement, vu qu'on m'a appris que les biscuits Canasta, on ne les trouvait pas ailleurs qu'en Nord-Pas-de-Calais. C'est quand même incroyable. Hein, en tout cas, c'est un drame pour Madarone. Hein, voilà, bah, c'est ça, ouais. Ouais. Est-ce qu'elle trouve au moins des spéculoos? Oui, mais qui n'ont plus ce nom-là. Ouais, des biscoffs. Ouais, des biscoffs. Bon, on va arrêter là. On n'est pas. Elle trouve pas de gaufres. Elle trouve pas de cassonade. Des rita. Les rita, elle n'en trouve pas. Ouais, voilà, elle en trouve c'est n'importe pas. Quoi. Les sèches non plus, elle n'en trouve pas. La France, c'est n'importe quoi. La c'est France pourquoi ce soir, il n'y aura pas de groupe français. Uniquement des groupes de pays étrangers et des groupes du Nord-Pas-de-Calais. Et de l'Allemagne. Pays étranger. Mais pour l'instant, je commence avec ceux. Ah, bah si, quand même, ah ouais, ils sont presque français. Tu as le droit de commencer systématiquement. Bah oui, je m'octroie vu que c'est mon anniversaire. J'en ai rien à foutre. Joyeux anniversaire. Voilà. Il est content, j'ai prévu un petit Patrick Sébastien. On commence avec ceux qui vont jouer au Black Lab ce vendredi avec je sais plus qui puis je sais plus quoi. Moi je m'en fous, moi j'y vais pour Warum Joe. Warum Joe, comme disait notre Joe que j'aime. Non, pas du tout. Enfin, ils sont peut-être à line, mais ils sont à line depuis plus de 40 ans. Et moi, ça fait plus de 40 ans que je les adore, mais que je ne les ai jamais vus en concert. Et donc, je me précipite ce vendredi pour les voir au Laboratoire Noir. Moi, je me suis fait quand même la remarque, et c'était que quand même, ils sont sortis à une époque où le son qu'ils faisaient, c'était hype. Ouais. On n'a plus entendu. Et là, ils ressortent sur le moment où ça redevient hype. C'était hype. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'aimaient pas trop déjà en 82-83. Ah, moi, j'aime pas ni en 82-83, ni là, toujours. J'aime pas. Ouais, mais les jeunes Duster, ils savent rien et ils comprennent rien et ils ont mauvais goût. Ouais, grave. Voilà. Mais c'est pas grave, on aime les Duster. Voici donc Warum Joe avec Dacha, c'est tout. Berlin, ils ont faim, ils manquent de pain, de désertion par millions. Le président a pris l'avion, les Mongols arrivent à Paris. Se décider, je m'inscris au parti, le couteau entre les dents. Pour le grand soir, je suis dans les temps, au son du Kalachnikov. Je pique les plans de Boris Karloff, avec mes potes du Caucase. Je fais des accases. Même Olga me trouve sympa. Bah voilà. Son Super hein Bowl. 1981. Oh, j'ai tombé. Alors, oui, alors là, c'était vraiment particulièrement minimal. Ouais, mais je préfère cette période-là à ce qui a suivi. Ouais, et après, bon, ils ont fait. Ouais, c'est vrai. Des fois, il y a quand même des. Ben, genre, tu fais pas de la reprise de L'Aigle Noir, là. Bon, oui, certes. Mais oh, bon. Ça contrebalance avec celle des Ramones. Mais tout, oh, qu'est-ce qui va bien. Tu sais, le double album La Revanche de Montezuma, rien à jeter. Franchement, sérieux, quoi. Et là, je pense que vendredi, ça va être bien. T'auras tous les vieux, ils seront là. Ça va être. J'hésite à venir au concert à l'EHPAD ou pas. Je vais à ce concert-là parce que je suis sûr de ne pas être dans les plus vieux. Voilà. Je ne sais pas quel moment on pleure en fait des dans fois, ce que tu fois, dis. Des fois j'arrive au CCL si tu veux. C'est, ouais, je porte manage, tu sais. Ouais. Bon, on va arrêter de parler de choses qui fâchent. Moi j'avais envie de te faire un beau cadeau d'anniversaire auditif avec un groupe qui n'est pas jeune non plus, mais qui n'est pas vieux non plus et qui s'appelle Scotter. Ouais, mais attends, parce que tu me l'as dit en antenne et en fait, j'ai pas de. Enfin, je ne sais pas. Bah écoute, c'est un sublime groupe originaire de Hambourg. Moi qui connais ton amour pour la langue de Goethe, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ce groupe a une bio longue comme. Un jour sans pain. Le bras. Ouais, mais le bras de qui aussi? Ça, à ton libre arbitre. Oui. Et donc, cette bio est remplie de détails façon Balzac, du genre toutes les villes traversées durant une tournée allemande. On s'en cogne. Enfin, il y en a certains que ça éclate, moi ça. Et ils sont bien en allemand parce qu'il y a vraiment des concerts dans des tout petits bleds et c'est super bien réparti sur tout le territoire. Il y a des gens. Bah là, c'était que des grandes villes. Voilà. Ils nous citaient que les grandes villes, tu vois, Leipzig. Et il y a un vrai public alors que dans plein d'endroits en France, t'as pas de public. Alors attends, parce que là on parle d'un truc qui a dépassé la sphère allemande. Européenne. Oh. Ah ouais, là on est sur un truc. Attends, je vais t'expliquer. Donc ça officie plutôt dans la techno, techno hardcore, dance, eurodance. Déjà, pour situer un peu tout ce que tu. Je peux sortir adores. Si tu veux. Il naquit en l'an de grâce 1987 sous le nom de Celebrate the Noon. Et ils deviendront Scotter en 93. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi ils ont changé de nom. Moi je trouvais que Celebrate the Noon c'était hautement plus classe quand même. Mais bon, ça n'est que mon avis. Ouais, mais c'est moins facile à dire et donc forcément, c'est moins commercial. Ah, Scotter, c'est vachement plus commercial. Oui. Scotter. Bref. En gros, changement de line-up tous les 4 ans, depuis 87. En moyenne, hein, des fois ça a duré 3, des fois ça a duré 4 ou 5. Attention, vous la Manu, il surveille. Groupe à moult récompenses. Moult récompenses et autres colis fichés. Ils ont tout de même marqué quand même vachement leur époque. Mmh. Et ils performent toujours. Fort. En chiffres, Scotter, ça nous donne 20 albums studio. C'est, c'est des machines, les gars. 6 live, albums live. Hein. 5 ouais, albums compil. Ils font de la techno compil. Et l'Euroden, c'est toujours oui, pareil. Oui. Bon. Non, il y a des trucs qui changent. 5 disques d'or ou de platine. 30 millions de disques vendus. Et un seul morceau spécial Skinet, que tu n'es pas. Skinet, que nous allons écouter maintenant et qui s'appelle sobrement Oi. Touch me, and when I'm on the road, I'm always spot by paparazzi. Did it for the fame, but always did it for the joy. 'Cause everywhere I go, they scream. All around the world, you see my face on TV, and all around the world, they want to be like HP. I never played the game, always been a bad boy, and everywhere I go, they scream. Yeah. Nobody gets out alive anyway. Oi, oi, oi, fucking oi, oi, oi, oi. and super tight bars right into your face. Raise your hands, lean back and enjoy, and watch the crowd go. Merci, chers amis. C'était vraiment très sympathique. Savez-vous qu'il faut toujours être bien connecté, être toujours disponible, être toujours à jour, être toujours informé, être un expert en tout, avoir une opinion sur tout, mais ne jamais être soi-même. Ça, c'est Beck BD ? Non, c'est, non, non, c'est le, l'homme moderne, enfin l'humain moderne, Der moderne Mensch, par Bibi Blockwart, groupe, bah, c'est encore des Allemands, mais c'est un peu plus dans la cam qu'on écoute d'habitude. Quoi, ici. Tu fais pas ton ménage sur Scotter ? Donc, les voici, non, je ne fais pas le ménage. Tu devrais, ça va vite. Blockwart. Ouais, c'est ça. Depuis, c'est ça. Enfin bon, bref, Bibi Blockwart. Voilà. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai bien une idée, mais la décence m'empêche de décenser. Bon, bah, arrête de décenser alors. Vas-y, hors diesel. Boum. Je préfère l'hybride. Vous... Oui, bah, c'est ça. La dernière fois qu'on m'a dit ça. T'en avais rien à branler. Il était presque 20h15 à l'antenne de campus et c'était l'émission Pyongyang City Rockers numéro 294. Youpi! Thibaut, toujours rien. Thibaut, non, les, non, non mais c'est pas Thibaut. Hein. Non, c'est Kawaii. Ça va, Kawaii? C'est ça, un clone. Ça va, Kawaii. Kawaii. Davaï, Davaï. C'est pas le nom de ta nouvelle asso. Bon, allez. Je t'aime, copain. Donc, The Pee-Wiz. Pee-Wiz. Formé en 95 en Italie, ça écume sec le monde entier, parfois même mouillé, Bref, voilà, cette blague de merde. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je sais pas. D'habitude, je sais pas, j'ai des blagues qui me viennent, là, il n'y a rien. Ouais. Groupe rock, si, The Pee-wees, aux multiples influences, en 20 ans, 5 albums, 9 singles et pléthore de compiles. Et il faut se renouveler quand même dans tout ça, ce qui n'est pas forcément l'apanage de ce groupe. Mais c'est quand même bien. J'ai choisi du coup pour un morceau qui représente pas du tout ce qu'ils font habituellement. Ah bah c'est bien. Mais comme oui. Comme ça on n'aura pas l'apanage. Non. Ah, voilà. Comme ça vous aurez la surprise. Ça et sera donc la panade. La... Non, c'est bien. Non plus. Non, c'est bien. J'ai choisi une cover du groupe Love. La patate alors. C'est la grosse frite. Oui. Moyen. Hein. Et du coup parce que je suis pas hyper adepte des lives. Love, c'est un groupe de rock psyché des années 70. Encore pire que Sweet ? Non, c'est mieux. C'est un peu moins psyché, mais c'est beau, c'est des belles, c'est des belles ben mélodies. Ben Bang se réveille et il fait des grimaces, ouais. Je vais me faire frapper. Ouais. Non, mais c'est des super belles mélodies pop. C'est chouette, Love. Tu vas trouver ça très très mou, je pense, mais c'est très beau. Moumou. Ah ouais, c'est très très beau, Love. Je vous invite à écouter. Okay. Du coup, habituellement, je suis pas hyper fan des covers ni des lives, mais quand c'est bien fait, faut le dire. Et là, je le dis. Et ça change quand même pas mal du registre habituel de ce groupe. Donc, le morceau s'intitule Alone Again. Ne te laisse pas dissiper par or. Ces malandrins. Non, non, non. En même temps, leur micro est ouvert. Mais ça veut dire quoi, Alone Again Or ? Mais je sais pas, demande au groupe. J'en sais rien, moi. Bon, je suis seule encore. Ouh, une invitation, peut-être, tu vois. Je laisse en suspens. Ouh, peut-être bien qu'éventuellement, je ramènerai des canastas chez moi. J'en sais rien, tu vois. S'il y a des canastas, tout le monde y va. S'il y a des canastas dans la salle, je lance un appel. Sinon, je serai alone again. Je pense que les gens qui ne sont pas de la région et qui écoutent, ou qui écoutent le podcast, ils vont se dire, mais c'est quoi cette histoire de canastas ? Ouais. Ils jouent aux cartes ? Ouais, ouais, bah, ouais, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, en parlant de gens qui nous écoutent, je fais un gros bisou à Pierre et Amandine. Bravo. Parce que je sais qu'ils nous écoutent. Voilà, et donc Pierre disait Scotter, ça faisait quand même vachement de la musique d'auto-tamponneuse. Ouais. Oui. Soin de soi. Voilà. The Pee-wees, Alone Again, Or. ils reprennent pas. On peut y aller, boum. Ah, oui. Ah, ça y est, voilà. La Schmimol et Chatzelia. Mais je connaissais, oui, en fait, ça a été repris par 25 millions de groupes, je trouve. Comme l'Aigle Noir. Ouais. Bon, enfin. Pas certes. Coucou Célia, merci, donne-moi ta clé USB. T'as vu, on fait tout ça à l'antenne, c'est trop bien, bravo. Maintenant, revenons à des choses sérieuses et lilloises, puisque c'est Chiaroscuro qui a sorti, ça fait déjà un petit moment, sa cassette, mais là, on a eu tellement d'actualités de fou dans Pyongyang City Rockers. Une cassette et vinyle. Mais il n'est pas encore sorti, je crois, le vinyle. Si, il est sorti ou pas? Bah, moi, j'en ai encore. Mais hein? Mais non, beaucoup. Non, beaucoup, ils sont pas sortis, Mickaël, il les a perçus. Non, enfin, ouais, voilà. Elle va nous expliquer hors antenne comment elle a fait pour avoir des disques qui ne sont pas encore sortis. Non, mais c'est... non. Donc le nouvel EP est sorti en cassette, il y a 5 titres, s'appelle La Fange, c'est dispo pour l'instant en cassette chez Dirty Slap, comme d'habitude, hein, et puis vous cherchez Dirty Slap sur Bandcamp et puis vous le trouvez, et puis vous pouvez lui commander, ou alors vous descendez dans des concerts genre CCL, Malterie, des trucs comme ça, quoi, puis hop, vous le trouvez, Tom, hein. C'est un mec moustachu, sympa, puis en plus il joue aussi, t'as vu, il joue de la basse dans Chiaroscuro, c'est comme les choses sont bien faites. C'est un superbe objet, d'ailleurs j'ai l'âme dans mon sac, donc je ne peux pas vous le montrer au micro, oui, parce que je peux pas tendre la main, hein. Mais bon, avec tout bien fait, le graphisme fait par Barreto comme d'habitude, magnifique, c'est magnifique, une petite feuille avec toutes les paroles, super. Et les paroles, justement, bah, c'est comme d'habitude à l'île de la rage, entourée de désespoir, saupoudrée de vagues à l'âme. Voici donc La Fange, déjà sortie en cassette, bientôt sortie en vinyle, donc entre autres chez Mika. Merde, c'est quoi son label? C'est Don't Trust DTTH. Voilà. Mika qui ne pouvait pas être là ce soir, donc on peut médire sur lui. On t'emmerde. Et donc voici. Non, on l'aime, on te fait des gros bisous. Tu reviendras quand tu veux. Voici donc Chiaroscuro avec La Fange. C'est fini là, on met quoi dernière parole, Audrey, avant qu'elle reprenne le micro. C'était Chiaroscuro, hein, avec La Fange. Procurez-vous-le, c'est vachement bien. Puis après, ça se trouvera aussi en vinyle. Oui, et donc je ne parlais pas de celui-là, mais de celui d'avant. D'ailleurs, j'ai pas dit qu'en plus, dans la cassette, il y a un petit code pour récupérer pour pirater les MP3. Légalement les MP3. Ouais, ils font les choses très bien, ces gens. Très, très bien, je suis bien d'accord. Oui. Est-ce que Célia, tu veux passer quelque chose? Ouais, mais parle dans ton micro, s'il te plaît. Ça marche. Oh, lui, Célia. Alors, moi, je vais vous passer un morceau de Bad Nerve. Bad Nerve, oui. C'est un groupe de power pop punk garage. Oui. Oula, tout ça en même temps. Ouais, Californien. C'est ça. Non, ils sont anglais. Bad Nerve. Ils sont, ah ouais, ouais. Ils sont de Essex. C'est à côté de Londres. C'est dans la banlieue de Londres. Ah ouais. C'est un peu un mélange entre les Ramones et les Strokes. les morceaux, je trouve qu'ils restent vite en tête. Enfin, ça te fait vite. Sur cet album-là, en tout cas, ça fait un peu tous des tubes. Ouais. Des hymnes presque. C'est ça. donc, ils ont sorti un album qui s'appelle Bad Nerve chez Suburban Records. Et en 2020 et en 2023, sur le même label, ils ont sorti un album live. Youpi. Et c'est tout. Et je vais passer le morceau Can Be Mine. Bon, pourquoi? Bon, parce que il est bien. Oui, ou pire. Hein. Ah, ils sont forts, c'est bien cette affaire. Ils sont déjà passés aux 4 écluses, tu te dis? Ouais, ils sont. Oui, il me semble que c'était en 2019 ou quelque chose comme ça. On était encore jeunes à l'époque. Je me suis dit, ah bah mince, j'habitais pas encore là. Ils viendront un jour et puis j'irai les voir, je sais bien. Oui. Oui, mais aussi j'irai parce que j'aime beaucoup ces groupes. Et du coup, on enchaîne avec un groupe qui n'a rien à voir, qui s'appelle Can't Swim, qui est un groupe de post-hardcore du New Jersey, formé en 2015. Oui. Ils signent avec le label Pure Noise et sortent leur premier disque en 2016. Faut que je me redresse un peu. Oui. Ah ouais. Et en 2016. Et donc, leur premier album l'année suivante. 2017. Je baisse parce que j'ai envie d'être assez avachie sur moi-même. Mais il faut que le micro te suive. En le micro me suit. S'en suivront donc trois albums et trois EP. J'ai vérifié, c'est bien des EP. The. Le titre que j'ai choisi, qui s'appelle Set the Room Ablaze, est extrait de l'avant-dernier album qui s'appelle Change of Plans, et sûrement le plus bourrin de l'album, voire même de toute leur discographie. D'accord. C'est bizarre. C'est encore une fois pas représentatif, quoi. C'est le meilleur. En gros, là, j'ai extrait pour vous l'essence même de ce groupe. Cherchez pas à écouter le reste, ça sert à rien. Bah, en plus, pour Set the Room Ablaze, il faut de l'essence. Hein, quand même. Je dis qu'à un moment, c'est normal. Hein. Voilà. N'empêche que si vous êtes curieux, leur tout dernier bébé ayant été démoulé fraîchement en mars de cette année, avec des sonorités un poil plus électro-pop, je vous conseille de vous épargner ça. Ah ouais, à moins d'aimer l'emo punk à roulette. Emo punk à roulette, électro-pop, post-hardcore, c'est ça? Ouais. Ouh, ça mais ce morceau-là, il est bien. Ouais. Ça là. Voilà. J'ai voilà. eu peur. Hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai décidé de passer que des morceaux pourris aujourd'hui. Non, bah non, c'est pas pourri. Non, le morceau-là. Scooter, c'était bien. Scooter, c'était ouais. bien. Le morceau de Love repris par. Ah, c'était bien. Oui. Bah, ça, c'est bien aussi. Bon. Mais juste, t'étais pas prêt, quoi. Donc, je peux... Non, je suis jamais prêt. Moi, tu sais, voilà, donc Come je peux swim, y aller, set the room ablaze. Just as the gypsy queen must do nasty God. Now look at him, he's never been more alive. His head shakes, his fingers clutch. Watch his body rise. If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night. Ah voilà, non mais là je peux désannoncer, hein, elle est morte. C'est Tina. Vous avez reconnu tous et toutes, j'espère, la superbe voix de feu Tina Turner. Oui. Dans Acid Queen, un des trucs les plus rock qu'elle ait fait, et bon, comme tout le monde la qualifie de reine du rock'n'roll, il fallait quand même passer un truc un peu moi, rock. Je la qualifierais quand même plus reine de la soul. Que, oui, ouais, tout à fait. Carrément. Mais bon, il y en avait plusieurs. Il y avait aussi Aretha Franklin, même oui. Diana Ross. Donc voilà quoi. Ouais, mais on est multi-queen. Ouais, sure. Multi-queen, c'est ça. Et donc là, par contre, qui a joué dans Tommy, le film des Who, il y a qu'elle. Apparemment, enfin, d'après ce que beaucoup de gens disent, c'est la meilleure prestation de tout le film. C'était donc Acid Queen, un truc en plus qui essaye d'avertir sur les dangers de se mettre un peu trop de trucs dans le pif, dans les veines, ou etc. Ou même dans le gosier. D'ailleurs, toi, le gosier, ça y est, c'est déjà parti. Hein. Bon. Ouais. Vas-y, donc c'était voilà, Tina Turner. Oui. Youpi. Alors, Turquoise, ils sont jeunes, ils sont bruxellois. Ah non, c'est pas eux, c'est pas les bons. Pas du tout. Ici, on parle de Turquoise, le groupe parisien. Alors pourquoi il va y avoir un running gag? Parce que cet après-midi, j'ai fait des petits schmoutes sur trois groupes. Et à chaque fois, ils avaient leur pendant du même nom, mais qui n'avait rien à voir à avec Bruxelles. Eux. Donc eux, c'est Bruxelles. Non, c'est... Oui, eux, non, à Bruxelles. Eux, c'est Paris. Et eux, c'est Paris. Oui. Bon, c'est Paris ou Bruxelles? Eux, c'est Paris. Mais il y a le pendant New Wave, ouais, à Bruxelles. Yeah. Yeah. Bref, eux, ils font plutôt dans le gros punk hardcore, les autres dans le new wave un peu gentil. Molle. Molle des genoux. Mielleux, sirupeux. Okay. Mais pas très intéressant pour moi. Bref. Okay. Et donc, eux, à Paris, avec une voix très, très, très, très, très gutturale. Oui. Brutale. Gutturale. Ça gutture. Hein, ah, ouais, ça gutture à ce fuck. Je crois que je les ai vus, ils sont déjà passés à Lille. Ouais. Oh, CCL, je crois. CCL, bah, il me semble. À coup, CCL, mais que serait-on sans CCL? Serait-on, nous serions Dijonais. Ah ben non, c'est vrai, ils ont des trucs bien Dijon. Je sais pas, une ville de Brun. Une ville de Brun, si jamais tu dis Donna, ça va chier. Non, un truc. Aubusson, on serait Aubusson. Aubusson. Aubusson. On ferait tapisserie. Ouais. Ah, on ferait tapisserie. Oui, oui. On serait Limoges, on ferait faïence, tu vois, porcelaine. Voilà. Bon, allez, vas-y. Donc, Turquoise dedans. Il est 20h40, vous écoutez Pyongyang Styrocar, ouais, sur Radio Campus. Bon courage. Non, dans Turquoise, il y a quoi? Il y a des vrais anciens ou membres actuels de groupes tels que Bahrain avec un point d'interrogation que nous avons pu admirer et entendre samedi dernier au BNR, ouais, qui eux aussi ont leur pendant belge. Le BNR? Non, Bahrain. Ah. Ouais, ouais. D'accord. Il y a dedans des membres de Rats Blood, Krikskad et Ivis. Krikskad, qu'on a vu aussi en 2014, je pense, dans un squat défunt boulevard Victor Hugo, je ne sais plus comment ça s'appelait. Bref, c'était bien. Oui. Ouais. Oui. Ils ont sorti leur premier album en 2021 chez Symphony of Destruction, et qui s'est lié à les cœurs de l'ennui. Et ce mois-ci, un album sobrement intitulé Sans larmes et râles. est sorti également. Tu te fais bien engueuler sur les deux opus. Hein. T'en prends plein pour ton grade. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne avec le titre Brigade de la haine. Avec un petit canasta. Le petit Larsen à la fin, là, ça fait du beaucoup de bien. Turquoise, bon, autre truc par contre qui fait pas du bien, c'est quand les flics t'envoient des projectiles sur la gueule ou que tu te fais charger en manif, etc. Et puis il y en a deux qui sont restés sur le carreau à Sainte-Soline. Une compilation donc vient de sortir, là, je pense que tout le monde en a maintenant à peu près partout entendu parler. Elle s'appelle Pas une minute de silence et donc c'est un des nombreux efforts qui sont faits pour récupérer de la thune, bah, parce que bon, ces gens, il y en a encore un qui est plus ou moins dans le coma là. L'autre, heureusement, est maintenant sorti d'hosto, mais bon, il leur reste toujours de toute façon des frais, des trucs. Et puis, Ça devrait tellement pas exister. Et puis, ouais, hein. Ça devrait tellement pas exister. Enfin, exister, ouais, ça devrait. Voilà. Pas... Donc, sur cette compile, on retrouve plein de groupes bien. Et puis, bien sûr, j'ai trouvé le malin de passer à un groupe lillois qui est sur cette compile. C'est Utopie. En plus, j'ai une raison, c'est que c'est un des rares titres inédits qu'on trouve sur cette compilation, qu'on peut quand même trouver parce qu'on y trouve des vieilles choses que tout le monde ne connaît pas forcément. Elle s'appelle donc Pas une minute de silence. On peut la trouver sur le Bandcamp du même nom. Donc, vous collez tous les mots, pas une minute de silence.bandcamp.com et vous tombez sur la compilation que vous pouvez acheter à prix libre mais conscient, et puis quand même c'est pour aider. Voici donc Utopie avec une reprise encore inédite à ce jour, paraît-il, de Commando 9mm. C'est antisocial et désolé les gars, rien à voir avec Trust. C'est voici Utopie. Et en plus c'est une reprise, j'ai pensé à toi. En même temps. Si c'est en live, c'est mon bonheur. Non, pas du tout. Oh merde. Développe. We'll be right back. c'est correct, bah voilà, ou quelque chose où c'est correct, toujours correct, toujours bien, Utopie, voilà, c'est eux. Ils sont donc sur la compilation Pas une minute de silence. J'ai complètement oublié de dire que il y a une version. Alors ce qu'on peut acheter pour l'instant, c'est l'album digital, donc à prix libre sur pasuneminutedesilence.bandcamp.com. Et puis il y a une version cassette, une version CD qui devrait arriver vers le 15 juin. Il y en aura certainement quelques exemplaires qui seront disponibles d'ici de là dans les campagnes lilloises et autour. Mmh. Aldenin, par exemple. Aldenin, peut-être, ouais, vas-y. Dedans, donc, sur la, puisque j'en suis là, dessus, il y a la fraction Piri Race, Hiatus 1981, il y a un super titre de Catharsis. Hein, t'as vu. Quoi encore, Grit Accidenté, excellent. Gurs, petit René Bien-Aimé. Mmh. Et puis, ça finit avec un bon vieux Petrograd, d'il y a 20 ans, je crois. À peu près. Ouais, voilà. Avec quelques canastas dans les dents. Arrêtez vos canastas. Tu sais qu'il nous reste 12 minutes, Célia. Et maintenant, la parole est à toi. Ça marche. Eh bien, moi, je vais rester dans le même thème. J'ai un morceau de power pop punk encore du groupe Radioactivity. C'est un groupe qui vient du Texas. Texas. Oui. Ça ressemble un peu à Bad Nerve, le groupe que j'ai passé avant, en un petit peu plus lent, du coup. Merde, je t'avais dit de dire en plus cold. En plus cold, pardon. Et le morceau, il s'appelle I Know. Il vient de l'album qui s'appelle Silent Kill, qui est sorti en 2015 chez Dirt Nap Records. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout Radioactivity. juste bien dans les temps. Bravo, mesdames. Ah, merci, merci. Place. À la fois qu'on t'a dit ça. Oui, ça arrive quand même. Je te souhaite. Était-ce du post-punk, de l'indie rock ou du jungle pop? Un garage punk gentillet à la sauce californienne. Ça date, et ben justement, ça vient pas de Californie, non, mais de sais. New York. Ça date de 1980. C'était de Phillies sur leur premier 45 tours, qui était sorti sur un label anglais parce qu'aux USA ils en voulaient de topo. Et donc c'était sorti sur 4AD. Et c'était des gens qui voulaient un peu rompre. Allez, danser. Et non, ils voulaient un peu rompre avec le côté bourrin. Ah. Avec le côté bourrin du punk. Et donc ils ont. Malheureux. Un truc qui pouvait s'appeler post-punk. Faut pas rompre avec le côté bourrin du punk. Faut pas rompre. Et c'est des gens qui ont été complètement influentiels. Influençants. Ils mangeaient des canastas. Ouais, ils mangeaient des canastas et ils ont influencé tout le monde, y compris Sonic Youth. T'as qu'à voir. Oh ouais, bien. Voilà. Et le titre, c'était Facela. Je n'ai toujours pas compris Facela, de quoi il s'agit. Le et tableau, donc, Facela. Gros bisous ou une bonne poignée de main qui me dira ce que signifie ce titre et ce refrain. Fa, je viens de te le dire. Voilà. Non, c'est faux. C'est pas ça. Comment bon, tu sais que c'est pas ça, enchaîne, vu que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il nous reste 6 minutes à peine. Bien, j'ai envie de te parler de Glasnost. Ça te parle, la Glasnost? Oui, bien sûr. Mais oui. C'était donc, mieux avant. Ah ouais, c'était mieux avant. Donc, c'est un groupe de synth-pop post-punk d'Argentine montrant son amour pour Gorbatchev, aka Gorbi. Mmh. Eh ben non, c'est pas cela non plus. Non. Là, on va parler des Australiens de Melbourne. Et c'est dommage parce que l'histoire de Glasnost, en un mot... De quoi? Melbourne de cheval. Oh. Pardon. Bref, oui. Glasnost, en un mot, leur histoire était plutôt sympa parce qu'il y en a un qui vivait en Argentine et l'autre qui vivait en Grèce, mais ils faisaient de la musique ensemble qui était franchement... dégueulasse. Et depuis 2004. Et je pense que c'est pour ça que la Géraldine qui jouait avec ce gars de l'Argentine, là, on a eu marre, elle s'est barrée. Ouais. Elle a bien fait. Et le mec, là, il a sorti tout seul un groupe qui s'appelle Malmström. Et c'est horrible, c'est vilain. Donc je ne pouvais pas vous parler de ce Glasnost-là. Mm-hmm. Je vais vous parler de ceux qui vivent au pays des bestioles les plus effroyables du monde. Donc, okay. Et ils ont sorti... en ce laïque saint 1er mai, une belle cassette intitulée pas du tout sobrement, Weltschmerz, douleur du monde. Voilà. C'est un vrai mot philosophique. Ouais. 4 titres post-punk, ouais. Trop choupi-choupi qu'on a envie de le prendre dans les bras. Et j'ai choisi le morceau d'ouverture Vincentus Revoltus, qui signifie gagner la révolte et non pas la révolte des Vincents. Donc les Vincents, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Wincentus. On a des latinistes qui nous écoutent. Hein. Pardon, Wincentus Revoltus. D'ailleurs, à mon avis, c'est du latin de cuisine. Hein. Sûrement. Latiné cuisina. Oui, mais n'empêche que Google arrive à me sortir une trad. Hein. C'est une IA maintenant, tu sais. Tu peux lui filer n'importe quoi, il va te dire c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, bref. Donc écoutons parce que c'est bien. Écoutons. D'ailleurs, avant d'écouter, on va laisser les gens tousser. Et en même temps, on va dire au revoir, vu que là, il nous reste vraiment juste le temps de passer ce titre de Glasnost. T'as vu comment ça vient On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 295 de Pure Young Kitty Rockers. Et puis, on n'oublie pas. Glasnost. En deux mots.